Il y a la joie dans la maison de Dieu. Je sens qu'il n'y a pas la joie. Est-ce que les écodimes sont là? Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu en ce lieu? On dirait que les écoles de dimanche sont tristes. Manifestez d'abord la joie, les enfants de Dieu. Est-ce que vous pouvez faire des cris de joie? Alléluia. Nous donnons 5 minutes aux enfants de l'école de dimanche pour un cantique. Nous pouvons les encourager avec les applaudissements. Des fois, les enfants ont peur quand les parents sont en train de les regarder comme ça. Est-ce que nous pouvons une fois de plus les encourager? Oh!

Applaudissons pour nos enfants qui ont chanté pour la gloire de Dieu. Pendant qu'ils sont en train de rentrer à leur place, nous continuons à les encourager avec les applaudissements. Avec des grands thèmes qu'ils ont chantés, me voici Seigneur, change-moi. Me voici, exauce-moi. Me voici, restaure-moi. Nous pouvons une fois de plus les encourager. On ne va pas se fatiguer d'encourager les enfants. Alléluia. Ton nom est plus grand que tous les noms. Ton nom est au-dessus de tous les noms. C'est toujours pendant un temps où nos enfants sont en train de nous faire passer du bon temps dans la présence de Dieu. Pendant ce temps, nous inclinons nos têtes pendant une minute. Nous prions pour le prédicateur de l'école du dimanche qui va nous parler ce matin pendant 10 minutes. Nous inclinons nos têtes et nous prions. Nous abandonnons son serviteur. Entre ces deux mains saintes, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais ce jour, nous abandonnons ton serviteur entre tes deux mains saintes. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit le saisisse afin qu'il puisse annoncer tes oracles. En ton nom, Jésus, tout pour ta gloire. Dans les noms de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. En acclamant pour la gloire de Dieu. Et pendant ce temps, nous faisons appel à l'orateur de l'école de dimanche qui va nous parler ce matin pendant 10 minutes. Et pendant qu'il s'avance, nous sommes en train de l'encourager. Merci l'Éternel Dieu de nous avoir fait grâce et de nous donner la force de me tenir devant l'Assemblée des Saints. Que la grâce lui soit rendue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre thème 2025 va avec la force que tu as. Ce texte biblique se trouve dans le livre de Juges 6, verset 14. Ce matin, je suis venu te parler sur l'histoire de l'appel de Dieu à Gédéon pour délivrer Israël de la main des Madians. Soulignons que c'est Dieu qui envoie et donne la force, non les capacités humaines. Les capacités humaines, c'est tout ce que tu peux faire sans l'aide de Dieu. Elle met en lumière le contraste entre la force et la faiblesse perçue de Gédéon. Gédéon disait en lui, « Ma famille est la plus pauvre en Manassé. » Et je suis le plus petit de ma famille. Mais la puissance divine encourageant l'obéissance malgré l'insuffisance perçue et l'appel à détruire les idoles avant la victoire. Que faire pour être sélectionné par Dieu dans notre vie? Nous avons besoin de 4 choses à faire pour être sélectionné par Dieu dans notre vie. Nous devons nous préparer à être sélectionnés. Nous devons écouter l'appel à la sélection de Dieu. Nous devons être disponibles à la sélection de Dieu. On ne peut pas être sélectionné sans faire d'action. C'est pour ça qu'il faut agir pour être sélectionné. Nous sommes sur le premier point, la préparation. Gédéon est resté toujours en communion avec Dieu. Gédéon se sent incapable à cause de sa pauvreté et sa petite taille. Le message est que notre force vient de Dieu, pas de nos propres capacités. Comme Abdias avait tellement peur d'aller dire au roi que voici Élie. Par contre, c'est Élie qui devrait avoir peur d'aller dire au roi. Mais Élie, connaissant son Dieu, il garda son sang-froid et il avança. Romains 8, verset 31 nous dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors désire que Dieu soit pour toi. Entretiens ta relation avec lui. C'est ça une bonne préparation. Nous avançons au deuxième point, l'écoute. Comment Gédéon a fait confiance à Dieu? A écouté la sélection de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons écouter la sélection de Dieu? C'est le péché. Parce que si tu ne pèches, tu ne peux pas voir ce que tu cherches en Dieu. C'est le péché. Mais le prophète Élie, lui, pouvait l'entendre à son oreille parce qu'il était en harmonie avec les choses spirituelles. Toi aussi dans ta vie, si tu veux entendre le bruit, si tu veux voir la volonté de Dieu s'accomplir, tu dois être en harmonie avec les choses spirituelles. Tu dois obéir au commandement de Dieu. Parfois, tu peux avoir des choses qui t'arrivent. Ça, c'est Dieu qui permet. Il met ta foi à l'épreuve. Il met ta foi à l'épreuve pour que tu puisses être encore plus fort quand tu rentreras. Il n'y a que les étoiles fortes qui sont combattues. Sa foi mise à l'épreuve, la foi d'Élie était mise à l'épreuve. C'est pour ça qu'il était triomphant. Et puis il était fort. Son oreille était disciplinée. Ses lèvres étaient par le Saint-Esprit. Nous avançons au troisième point, la disponibilité ou la foi. Il a fallu que Gédéon soit disponible sur le lieu de Térimbet. Térimbet est un lieu sacré. Restons toujours dans la présence de Dieu. Restons dans l'attitude de prière. Il faut toujours croire à ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, certainement il le fera. Nous aussi dans nos vies, nous devons garder la foi. Nous avançons au quatrième point d'action. Gédéon a fait un autel pour l'Éternel. Nous aussi dans nos vies, nous ne pouvons pas gagner sans travailler. Tout le monde doit travailler et après il va gagner. Si tu veux faire de grandes choses avec Dieu, apprends à faire des autels et même des autels physiques. Les autels physiques, c'est tout ce que tu peux faire physiquement. Le plan de Dieu est de restaurer ta vie et de nous ramener dans son abondance. Que Dieu restaure ta vie aujourd'hui. Et que ses bénédictions dévastent votre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons bien acclamer pour Jésus? Alléluia. Pendant ce temps, il y a un chant qui me monte dans le cœur. Nous allons juste montrer notre gratitude à notre Dieu en lui disant Yesu nakupenda, Yesu nakupenda. Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Nous acclamons une fois de plus pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, soyons connectés pendant que les enfants sont en train de parler. Ne voyons pas un enfant en train de nous parler, mais voyons Dieu en train de nous parler. Pendant ce temps, nous invitons le deuxième orateur qui va nous parler aussi pendant quelques minutes. Nous l'encourageons pour la gloire de Dieu. Que nous pouvons acclamer le Seigneur. Je vais tout d'abord commencer par remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour vous et bien particulièrement pour mon Église. Je bénis aussi mon père spirituel, le pasteur Désiré Mbaye Moukoche, des églises Sources Fécondes. Mes remerciements s'adressent également aux responsables du département des Écodim, le président David et tout son comité. Je bénis aussi Dieu pour ta présence et ma prière et que ta présence en ce lieu soit le premier pas pour d'une transformation en puissance de votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin je viens t'annoncer une bonne nouvelle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 14. Juges 6, 14 est un verset clé où Dieu appelle Gédéon à sauver Israël des Madianites, lui disant, « Va avec cette force que tu as, délivre Israël des Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Ce passage souligne que la force nécessaire ne vient pas de l'individu, mais de la présence de Dieu qui l'envoie et le soutient, même si Gédéon se sent faible et insignifiant au départ. Le problème, bien aimé dans le Seigneur, le problème est que les Israélites étaient opprimés, maltraités. Ils étaient très maltraités par les Madianites qui les poussaient à se cacher et qui détruisaient leurs récoltes. L'appel de Dieu à Gédéon est Dieu apparaît à Gédéon, un homme humble de la tribu de Manassé, lui disant, lui qui battait du blé en secret. Et pendant l'apparition de l'Éternel à Gédéon, il lui confie une mission. Dieu lui ordonne d'aller sauver son peuple, affirmant qu'il est envoyé par lui. La réponse de Gédéon à l'Éternel. Gédéon doute de ses capacités, soulignant qu'il est faible, et le fait que sa famille est la plus pauvre et lui le plus jeune. Ces doutes mènent à une série de signes demandés par Gédéon. Le bélier, la peau de mouton, pour confirmer l'identité de Dieu et sa mission. Ce matin, nous allons retenir quatre points concernant ce verset. Le premier point, toujours se rassurer de la voix de Dieu. Gédéon ne se limite pas à écouter la parole de Dieu, mais il s'engage à Dieu pour lui montrer des signes que c'est lui, le Dieu de ses pères, qui lui parle. Je déclare ce matin, toi, Dieu t'enverra des signes pour te montrer que c'est lui qui te demande d'aller loin, d'aller vers ta gloire, d'aller vers ta victoire. Je redéclare que Dieu t'enverra des signes pour te montrer que c'est lui qui te demande d'aller loin, d'aller vers ta gloire, d'aller vers ta victoire. Donne-moi un grand amen. Nous prenons le deuxième point qui est l'obéissance à la voix de Dieu change notre identité. Gédéon, un homme faible, a accepté d'obéir à la voix de l'Éternel et la promesse d'être héros sur sa vie s'est accomplie. Dieu le voyait comme un héros, mais les hommes le voyaient comme un simple boulanger. Laisse-moi te dire, les hommes ont leur façon de te voir, mais Dieu a sa façon de te voir. Et pour que tu deviennes ce que Dieu te voit, tu dois passer par l'école de l'obéissance. Je déclare ce matin, à cause de ton obéissance, tu passeras de zéro à héros, de nul à mille victoires. Nous enchaînons le troisième point qui est toujours faire confiance en Dieu. Dieu n'appelle pas toujours les forts. C'est connu, je prends l'exemple de David. Et dans l'école de Dieu, il aime bien confondre le monde. Il utilise les faibles pour vaincre les forts. Je déclare ce matin, toi qui se sens faible, laisse-moi te dire, il est temps pour toi de t'élever. Car ce matin, tu ne te battras pas avec ta force, mais avec la force de Dieu. La victoire est de ton côté et tous tes ennemis seront à tes pieds. Et que la puissance de Dieu soit avec toi. Je prends le quatrième et dernier point qui est rester à ton poste. Gédéon est resté à son poste. Gédéon avait un lieu stratégique de rencontre avec l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours avoir un lieu stratégique où quand Dieu descendra, il viendra vers toi. Laisse-moi te dire, toi qui as fait des sources fécondes, ton lieu stratégique, l'Éternel te rendra féconde. J'ai dit et je déclare que ce lieu soit le Bethel de ta vie, que ce lieu soit le lieu de ton évolution. Je redéclare encore une fois que ce lieu soit le Bethel de ta vie, que ce lieu soit le lieu de ton évolution, que ce soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de mon Père désiré vous ouvre toutes les portes du succès au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimés, applaudissons pour la gloire de Dieu. Les problèmes n'ont pas empêché l'homme appelé par Dieu à accomplir la promesse de Dieu qui a été déclarée sur sa vie. Amen, amen. Les problèmes qui ont attaqué Israël n'ont pas empêché l'homme qui a été choisi par Dieu à accomplir la promesse de Dieu sur sa vie. C'est ce que moi j'ai retenu dans sa prédication. Nous pouvons encourager l'homme de Dieu en applaudissant encore plus fort. Alléluia. Pendant ce temps, nous allons nous tenir debout. Nous allons adorer notre Dieu. Pendant quelques minutes, nous allons dire à Dieu que les problèmes ne vont pas nous empêcher à t'adorer. Les ennemis qui sont en train de dévorer notre récolte ne sont pas la fin de toutes choses. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui répond au moment opportun. Nous allons adorer ce Dieu qui nous a gardés pendant presque toute l'année. Nous sommes en train de compter les quelques 5 ou 6 jours qui nous restent. Nous allons l'adorer pour ça. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et lui dire: Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'élève pour tes bienfaits, tes hauts faits dans ma vie. Élève ta voix, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. La Walk. Alléluia. J'aimerais que toute l'église nous puissions chanter ce cantique. J'aimerais que ce soit une prière. Je ne sais pas si tu comprends cela. De toute façon, en Swahili, je suppose que nous comprenons tous. J'aimerais que tu chantes avec ton cœur, que tu pries pendant que tu chantes. La chorale, est-ce que vous pouvez nous aider? Nous voulons chanter ensemble ce cantique. Nous voulons prier. Toute l'église, nous chantons ce cantique. Seigneur, c'est toi qui es ma vie. C'est toi qui es ma vie. Seul Dieu peut te consoler. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Vous fariti, où es-tu? Uzima wangu. Si ce n'était pas toi, Seigneur, sur cette terre, dans cette ville, dans ce pays, dans tous les problèmes de l'année, de ma vie, oh, j'ai découvert que vous fariez. Oui, vous fariez quand il n'y avait personne. Vous fariez quand j'étais débordé. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je te bénis, je t'élève. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Amen. Alors, avant d'écouter la parole, on va faire quelques petits exercices. Le premier exercice, c'est que le protocole peut nous aider juste après le frère Mwamba. Si vous pouvez venir aussi de ce côté. Ça permet, quand nous donnons la parole, d'être suffisamment à l'aise. Juste après le frère Mwamba, si vous pouvez vous avancer de ce côté, après, derrière. Le frère Mwamba, lève ta main. Ok, après lui. Si vous pouvez nous aider à venir de ce côté et à vous avancer au milieu et de l'autre côté. Oui, les mamans peuvent rester. Laissez maman Charlotte qui, là-bas qui aime sa place. Les autres venez, oui, de ce côté-là. Ok, maintenant venez, oui, justement à cette extrémité, voilà. Amen. Amen. Merci parce que vous êtes très gentil. De façon, c'est Noël. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, le deuxième exercice que nous allons faire, je veux que chacun souhaite le vœu de joie, de bonheur, de bonne santé à au moins 20 personnes. 20 personnes. Si tu n'as pas encore atteint 20, alors ne t'arrête pas. Souhaite-leur quelque chose. Oh, que Dieu te bénisse, meilleur vœu. Grâce, meilleur vœu. Meilleur vœu. Meilleur vœu. La chorale, vous avez un nombre de combien? Chorale, quel est le nombre de choristes? Meilleur vœu. Oui. 30. Oh! Beaucoup voient. Meilleur vœu. Oh, que Dieu te bénisse. Meilleur vœu. Meilleur vœu. Meilleur vœu. Hé, hey, maman, avarie. Meilleur vœu. Maman, il y a autre. Oh, meilleur vœu. Maman. Meilleur vœu. Ma faillite. Meilleur vœu. Maman Béa, meilleur vœu. Bon, meilleur vœu. Eh, bonne année déjà. Ok. Papa, maman, meilleur vœu. Maman Michimone. Ah, il faut que tu te déranges. Meilleur vœu. Et elle va qui? Arlumboa. Meilleur vœu. Hein? Oh. Eh, hey, merveille, maman Charlotte. Vous êtes merveilleux. Abigail, tu n'as pas senti pour moi. Je suis en bas, vous êtes. Merveilleux. Oui, c'est bien de faire ça. C'est bien de se souhaiter les vœux. Pour ceux qui se réveillent le matin, nous sommes debout depuis le matin en écrivant les vœux, en se souhaitant les vœux. À un moment donné, il y a même des choses qui restent, on va continuer à écrire après. Alors, c'est mieux de les faire aussi dans l'église. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est le deuxième exercice. J'ai dit avant d'écouter, nous allons faire quelques exercices. Troisième exercice. Que chacun regarde les quatre personnes qui sont à ses côtés, nord, sud, est, ouest. Demande-leur le nom, regarde bien la taille, regarde bien ce qu'ils sont, parce que le premier, tu vas donner les cadeaux. Regarde bien quatre personnes. Le premier, je vais présider une cérémonie. Non, tu n'as pas regardé. J'ai dit quatre personnes. Devant, derrière, à gauche, à droite. Tu retiens bien. Le premier, il faut le suivre. Je serai là pour présider la cérémonie des cadeaux. Maintenant, vous, les choristes, là, vous me regardez, moi. Non. Alléluia. Non, c'est important. Ayons cette culture-là. Le premier vient avec un cadeau, deux cadeaux, trois. Si tu peux faire quatre, c'est bon. Bien-aimé, le cadeau réjouit toujours le cœur. Alléluia. Amen. Le cadeau réjouit toujours le cœur. D'ailleurs, si tu veux toucher le cœur de quelqu'un, commence à lui donner des cadeaux. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, donne le cadeau. Si tu veux toucher le cœur de ton chef, donne les cadeaux. N'est-ce pas? Si tu veux toucher le cœur de ta femme, tu fais quoi? Les cadeaux. Si tu veux toucher aussi le cœur de ton mari, un gros foufou. Donc le cadeau arrange toujours le cœur. Alléluia. Amen. Et c'est biblique. C'est biblique. Apprenons à faire des petites choses. Apprenons à faire des petites choses. Vous savez, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande juste la volonté, juste la joie. Alors ne termine pas cette année sans faire un cadeau à quelqu'un. Et commence à prier déjà pour ça. Regarde dans la salle, Seigneur, à qui est-ce que je peux faire un cadeau? Tu peux même demander à ton frère, qu'est-ce que tu aimes? Ce n'est pas mauvais. Soyez aussi humble, hein, quand vous demandez ce que vous aimez. Pas dire non, mais à peine dans l'avion. Papa, non, tu as des problèmes avec moi ou quoi? Tu demandes l'hélicoptère, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est une bonne chose dans la famille. Faisons-nous des cadeaux. Je crois que nous sommes une famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Noël, c'est un moment de joie. Même quand quelqu'un a peiné toute l'année, c'est un petit moment où il peut se réjouir. Sachons communiquer la joie, c'est important. Alléluia. Amen. Donc, à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Souhaitons-nous les bons voeux dans la cour. Et encourageons-nous. C'est important. Vous savez, parfois nous passons des années de stress, des journées de stress. Et la joie, nous la partageons en famille. La vraie joie, je dis toujours, c'est toujours dans l'église. Parce que tu es sûr que nous irons au ciel ensemble. Et le Seigneur reste fidèle. Amen. Amen. Amen. Il y a des chansons qui me venaient à l'esprit le matin, mais je ne sais pas donner beaucoup de boulot aux choristes. Ils n'ont pas préparé, mais c'est pas fidèle. Il y a tant de gognons. Fidèle. Bon, je ne sais pas, vous n'avez pas préparé ça, mais vous allez travailler ça pour... Ah, tu peux te débrouiller. Ok. Gloire au Seigneur. Grâce, c'est bon. Ok, nous allons bénir le Seigneur. Jésus. Mais éloge le drummer, toi tu es de l'autre côté pendant qu'on chante. Fidèle à ma loba nangai. Fidèle à ma loba nangai. Fidèle à ma loba nangai. Kaka ningolo, nenge kosa. Oui, Dieu nous a montré sa fidélité toute l'année et continue à nous montrer sa fidélité. Est-ce qu'on peut acclamer la chorale et acclamer la fidélité de Dieu? Merci. Donc, vous allez me préparer ce cantique. Hein? Grâce. Vous allez vous débrouiller. Le 31, nous allons chanter des petits cantiques comme ça. Voilà. Quand tu pries le matin, un cantique te vient. Je dis, est-ce que la chorale peut se débrouiller? Enfin, peut-être de choristes, que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, nous recommandons ta grâce. Nous bénissons ta présence ce jour. Tu as créé les deux grands luminaires. Le premier pour présider au jour. Le deuxième pour présider à la nuit. Tu as déjà fixé le temps pour l'homme, pour la terre. Et tu présides au temps. Un jour annonce notre jour. Une saison annonce notre saison. Nous voici encore aujourd'hui pour bénir ta fidélité. Parce que tes promesses qui se sont réalisées hier, que nous célébrons aujourd'hui, nous croyons que ce que nous n'avons pas encore vu se fera aussi dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Bénis ta parole ce matin. Bénis ton nom. Nous t'aimons, Seigneur. Tu nous as aimé le premier, tel que nous étions errants. Maintenant, auprès de toi, tu nous aimes, tu nous rassures encore ton amour. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais inviter l'apôtre Samuel. Pendant qu'il s'approche, nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous remercions le Seigneur. Parce qu'il continue toujours à nous garder. Nous le remercions pour le souffle de vie. Depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de décembre. Il ne cesse jamais de nous protéger. Nous les remercions infiniment. Nous remercions encore le révérend pasteur. Pour cette marque de confiance. De nous avoir donné cette opportunité de parler au peuple de Dieu. Nous sommes très reconnaissants vers lui. Sa femme et tous les hommes de Dieu. Et nous bénissons aussi Dieu pour ta présence en ce lieu ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Bien qu'il y a beaucoup de polémiques, de divisions dans pour cette fête de Noël. Ata kuna kuya makusema mingi na maachanisho kwa ajili ya hiyo karamu ya Noeli. Concernant la date. Kufatana na siku. Mais nous sommes très heureux que le monde entier reconnaisse qu'il y a quelqu'un qui est né. Sisi tunakuwa wenye heri kujua kusema ulimwengu inatambua kusema mtu mmoja anazaliwa. L'humanité. Juu ya kuokoa tena ulimwengu. Alléluia. Amina. Il y a pas quelqu'un qu'on célèbre sa naissance dans le monde comme Jésus. Hakuna mtu mwingine tunasherehekea uzaliwa kwake kama huyu Yesu. Parce que nous avons plusieurs religions dans le monde. Tunakuwa na watu nyingi ndani ya hiyo dunia. On a jamais eu des jours fériés pour la naissance de ce que je ne veux pas akuyaka siku ya sipo kazi kama siku ya kuzaliwa kwa Yesu. La religion de quelqu'un. Na kwa dini ya mtu. Mais on n'a jamais eu de jour férié pour célébrer leurs prophètes et leur Dieu. Akuyaka siku ya sipo kutumika njoo ya kusherekea miungu yao au wanabii wao. Le monde entier célèbre la naissance de Jésus-Christ. Ulimwengu mzima inasherekea kuzaliwa kwa Yesu. Mais il est le roi des rois. C'est pourquoi ce matin nous sommes en ces lieux. Nous voulons se rappeler de cette naissance. Parce qu'il n'y a pas de Pâques sans la naissance de Jésus-Christ. Il n'y a pas de Pâques sans la naissance de l'agneau. Hakuna Pasaka bila kuzaliwa kwa kondoo. La Pâques c'est la fête de l'agneau. Pasaka inakuwa ni karamu ya kondolo. L'agneau qui a sauvé toute l'humanité. Kondolo aliokoa ulimwengu mzima. C'est pourquoi nous célébrons cette naissance. Ndio kwa maana tunasherekea kuzaliwa kwake. Cette naissance est très importante pour nous l'église. Kuzaliwa kwake ni kwa maana kwa sisi kanisa. Alors ce matin nous voulons parler sur la nativité. Leo tunapenda kusemezea kwa ajili ya kuzalikwa. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 9 verset 6. Tutasoma neno ya Mungu mu Isaya sura ya 9 na mstari wa 6. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. La Bible dit. Biblia inasema. Car. Kwa maana. Un enfant nous est né. Mtoto amezaliwa. Un fils nous est donné. Tumepewa tena mwana. Et la domination reposera sur son épaule. Na uwezo wote itakuwa juu yake. On l'appellera admirable. Naye ataitwa jina lake. Conseiller. Mshauri. Dieu Tout-Puissant, Mungu wa nguvu, Père Éternel, Baba wa milele, et Prince de Paix, na mufalme wa amani. Amen. Amina. Saint-Esprit, merci pour ta disponibilité. Aksante Rom Takatifu sababu kwa papa. Merci pour ta présence. Aksante kwa wapo wako. Merci pour ce moment merveilleux. Aksante kwa yo wakati ya wema. Prêche avec nous ce matin, Saint-Esprit. Ubiri nasi subuhi ya leo. Révèle la pensée de Jésus à tout un chacun de nous. Utufunguliwe wazo wa Yesu et glorifie le nom de Jésus en ce lieu. Utukuze jina la Yesu na fazi hapa. Dans le nom puissant de Jésus. Ni mujina ya uwezo ya Yesu. Que nous avons ainsi prié. Tunaomba hivi. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Ici c'est le livre de Ésaïe. Hapa ni kitabu kia Isaya. Le livre d'Ésaïe s'appelle la petite Bible. Kitabu ya Isaya wanaita ka Biblia kadoko. Pourquoi on l'appelle la petite Bible? Kwani wanaita Biblia kidoko? Premièrement, c'est parce que la Bible a 66 livres. Sababu Biblia inakuya na 66 livres. Et Ésaïe aussi a 66 chapitres. Na pamoja na Isaya inakuwa nayo na mistari 66. Deuxièmement, ya pili, il est la petite Bible. Anakuya ka Biblia kadoko. Parce que premièrement, on appelle Ésaïe le prophète messianique. Ya kwanza wanamuita Isaya munabi ya wasiani. Parce que il a prophétisé la naissance. Aliweza kutabiri uzalikwa. La mission de Jésus. Kazi ya Yesu. Sa mort. Kufwa kwake, sa résurrection, na kufufuka kwake, le jugement, hukumu, il a tout parlé à propos de Jésus. Alisemezea yote kwa ajili ya Yesu. Or, la Bible du début jusqu'à la fin, Biblia tangu mwanzo mpaka mwisho, ne parle que de Jésus. Inasemezea mpaka kwa Parce Yesu. Parce qu'après la résurrection de Jésus, kisha kufufuka kwa Yesu, dans Luc chapitre 24 verset 44, Luka, il a dit ceci. Anasema hivi. Tout ce que la loi, yote sheria, le prophète, wanabii, et le psaume, hata saburi, ont écrit, iliandika, c'est accompli à moi. Ilifika, inatimizikwa ndani yangu. Toute la Bible ne parle que de Jésus. Biblia mzima inasemezia kwa ajili ya Yesu. C'est pourquoi Ésaïe c'est un prophète messianique. Nacho kwa maana Isaya anakuya tu nabii anasemezia uzaliko. Là, il commence à prophétiser en disant un enfant nous est né. Hapa anaanza kutabiri kusema mwana anatupewa anazaliwa. Isaïe parlait comme si c'était un événement qui s'est réalisé au moment où il était en train de parler. Isaïe anasemezea ni kama kitu kinafika wakati eko nasema. Mais Isaïe est entré dans le temps. Isaya aliingia muwakati. Il a voyagé pour voir. Halisafiri kwa ajili ya kuona. Ce qui va se passer à notre époque. Yenye itafika kwa hii wakati yetu. Parce que la Bible dit même les prophètes ont investigué, ont cherché. Biblia nasema hata wanabii walitafuta. À vivre ce moment qu'ils ont prophétisé. Kuishi hii wakati walitabiri. Mais ils n'ont pas eu cette opportunité. Lakini hawakuipata hii wakati. Mais gloire soit rendue à Dieu. Sifa imrudirie Mungu. Un enfant nous est né. Mwana anazaliwa. Un fils nous a été donné. Na mwana alitupewa. Il parle d'abord de la naissance. Anasemezea kwa ajili ya kuzaliwa. Deuxièmement, il parle d'un don. Na kisha nasemezea kwa zawadi. Fils nous est donné. Kusema mtoto ametupewa. La naissance de Jésus. Kuzalikwa kwa Yesu. C'est un don qui vient du ciel. Ni zawadi inatoka mbinguni. C'est un sacrifice que Dieu lui-même a donné. Inakuwa tu ni sadaka Mungu peke anatupatia. Il a donné pour que toute l'humanité soit sauvée. Alileta sababu ulimwengu mzima yokolewe. C'est pourquoi nous avons tous les trois, nous avons la joie. Tunakuya na furaha de célébrer sa naissance. Ya kusherekea uzaliwa kwake. Parce que si lui n'était pas né, kama yeye sikuzalikwe, on allait toujours demeurer dans l'esclavage. Tulipasha kubaki mutumwa. On allait toujours être la proie du diable. Tulipasha kuwa chakula ya shetani. Mais gloire soit rendue à Dieu. Sifa imrudie Mungu. Il y a un sacrifice merveilleux. Kunakuya sadaka ya wema. Un sacrifice exceptionnel. Sadaka ya wema. Un sacrifice universel. Sadaka ya ulimwengu mzima. Un sacrifice d'actualité. Sadaka ya sasa qui a été donné pour que nous soyons sauvés. Sababu tuokolewe. Et la Bible dit la domination reposera sur son épaule. Biblia nasema utawalo itakuwa juu yake. Ici ça parle de sa résurrection. Hapa nasemezea kwa ajili ya kufufuka wake. Quand il est ressuscité, il a dit ceci. Wakati alifufuka alisema hivi. Tout pouvoir a été donné. Uwezo yote ilinipewa. Au ciel sur la terre. Binguni na paudongo. Dans toute domination. Kusema utawala wote. M'a été donné. Ilinipewa. C'est pourquoi dans ce pouvoir qu'il a reçu. Kwa maana kwa uwezo alipokea. Il nous a fait rentrer. Dans le jardin d'Eden. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, wakati Mungu aliumba il binadamu, lui a donné la domination. Alimupatia utawalo. Mais quand l'homme était tombé dans le péché, na wakati mtu alitawaliwa kwa zambi, il avait perdu la domination. Yeye alipoteza hali ya et kutawala. Cette domination na iyo kutawala nous a été remise iliturudishia par la naissance de Jésus-Christ. Aturipata tena c'est pourquoi nous dominons dans le monde spirituel. Nous dominons avec Jésus. C'est pourquoi nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité divine. Nous avons la puissance sur le monde spirituel et le monde physique. Tout ça, ce sont le produit de la naissance. Alors on l'appellera admirable, conseiller, mshauri, Dieu puissant, Mungu mwenye nguvu, Père éternel, Bwana wa milele, et Prince de paix. Na mufalme wa maintenant amani. Aujourd'hui on parle de la naissance de Jésus Christ. Leo tunasemezea kwa kuzaliwa kwa Yesu. On parle de la nativité. Tunasemezea kwa kuzalikwa. Ce terme a ses racines dans la langue latine. Iyo nukta inatosa chanzo yao mukilata. Dans la langue latine on appelle ça nativitas. Manaita nativitas. Nativitas qui veut dire seulement nativitas ina une naissance. Kuzaliko. Alléluia. Amen. Une naissance. Kuzaliko. La nativité kuzaliko prend ses racines kunatosha chanzo dans la langue latine mu latin qui veut dire nativitas. Inasemezea nativitas. Nativitas qui veut dire seulement une naissance exceptionnelle. Inakuya tu ni kuzaliwa. Quand on parle de la nativité, on parle de la naissance de Jésus. Wakisemeze kuzaliwa tunaona kuzaliwa kwa Yesu. Ça s'applique sur la naissance de Jésus seulement. Tunaiona mpaka kwa kuzaliwa kwa Yesu. Vous allez comprendre que la naissance de Jésus ce n'est pas l'affaire du Nouveau Testament seulement. Utaona kuzaliwa kwa Yesu haiko tu mambo ya agano. La naissance de Jésus a été annoncée dès l'Ancien Testament. Kuzaliwa kwa Yesu kulitangaziwa tangu agano za kale. L'Ancien Testament a annoncé la naissance surnaturel de la personne de Jésus. Agano za kale ilitutangazia kuzaliwa kwa Yesu. Écoutez, il y a des naissances dans le monde. Kuna kuyama kuzalikwa ndani ya dunia. Nous avons les grands de ce monde. Tunakuwa na wakubwa wa hiyo dunia. Des gens qui ont impacté le monde. Watu waligusa dunia. Des gens qui avaient des renoms. Ils étaient de grandes renommées. Watu walikuwa na majina inajulikana. Leur naissance n'ont pas été annoncée. Lakini kuzaliwa kwao hakukutangaziwa. Il y a même des femmes qui étaient enceintes sans le savoir. Kulikuwa wanawake walikuwa na mimba lakini hawakujua. C'est après 3-4 mois qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nikisha miezi 3-4 anasikia kuna kitu hakiendi. Elle part à l'hôpital. Kwenda ku hospitali. On lui dit que tu es enceinte. Wakamwambia anakuwa na ujauzito. Il y a même des enfants qui sont nés. Kulikuwa hata watoto wanatoka. Programmé par les parents. Wao hawakutayarishiwe kwa wazazi. Parce que je me souviens à la naissance de mon petit frère le prophète Barak le cadet. Nakumbuka mkuzaliwa kwa mloko yangu wa mwisho. Kama ma mère avait cette grossesse. Wakati mama yangu alichukua uchauzito. Kulikuwa kukokotana. Jusqu'à tel point que le mariage voulait se briser. Na ndoa ilipashwa kukatika. Papa ne voulait plus encore avoir un autre enfant. Baba sikutamani kuwa na mtoto mwingine. Cet enfant est venu. Lakini huyu mtoto alikuja. Mais c'est une bénédiction pour cette famille. Na inakuwa ni baraka kwa ajili ya jamaa. Alléluia. Amina. Mais la naissance de Jésus. Asa kuzaliwa kwa Yesu. N'était pas une surprise. Haikukuya hali ya ushtushi. Comme d'autres enfants qui sont nés par surprise. Kama watoto wengine wanakuwa kwa hali ya kushtushi. Sa naissance a été annoncée. Lakini hiyo kuzaliwa kulitangaziwa. C'est pourquoi ce n'était pas une naissance ordinaire. Haina tu kuzaliwa kwa hali ya kidogo. Nous célébrons une naissance extraordinaire. Tunasherekea kuzaliwa kwa nguvu. Ça a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Sababu ilitangaziwa tangu agano za kale. Même dans le Nouveau Testament, sa naissance a toujours été annoncée. Kuzaliwa kwake kulitangaziwa tangu zamani. Et deuxièmement, Dieu a annoncé même le processus de la naissance. Na Mungu alitangaza namna namna atazalikwa. Là qui dit qu'une vierge sera enceinte. Ya kusema bikira moya atachukua uchawi. Dieu annonce même le processus. Mungu alitangaza na vile itapitika. Comment est-ce que cette naissance va arriver? Na namna gani uko kuzalikwa kutafika? Et même les historiens disent que à partir de ce que Esaïe avait prophétisé. Ata watu wajisi wanasema kupitia hiyo Isaya alitabiri. Plusieurs parents commençaient à donner des conseils à leurs filles. Wazazi nyingi wanaanza kuleta mashauri kuwabikia. Leur virginité bapate kuchunga ubikira wao pour que cette naissance puisse se passer dans leur famille. Sababu ya kuzalikwa kufike mjamala yao. Alléluia. Amina. La troisième des choses, c'est le lieu de naissance. Kitu ya pili ni fazi ya kuzalikwa. Oh, écoutez bien aimé dans le Seigneur. Sikia mpendwa katika Bwana. Il y a des mamans qui se sont accouchées dans les endroits qui n'ont pas prévu. Kuko wa mama balizala pour mafasi ya wakutayarishi. Mais Jésus, sa naissance a été annoncée. Lakini kuzalikwa kwa Yesu ulitangaziwa. Le lieu de sa naissance a été précis. Na fazi ya kuzalikwa balisema. Michel a annoncé que cet homme va naître à Bethléem. Yesu balisema huyu mtu atazalika ku Bethléem. Mais sa maman était toujours à Jérusalem. Mama yake alikuwa paka ku Yerusalema. Avec cette grossesse. Na hiyo mimba yake. C'est au terme de cette grossesse. Inakuwa ni mwisho ya mimba yake. Que César va provoquer quelque chose. César va annoncer le recensement. César aliweza kusema hiyo tena kuitwa. Et lorsqu'il y a recensement, wakati banaanza kualika, tout le monde doit rentrer chez lui. Watu wote inabidi barudi kwao. C'est là que Joseph et Marie, ni pale Yusuf na Maria, devaient rentrer à Bethléem. Ilibidi warudi ku Bethléem. Pour que ce que Dieu avait dit, kusema hiyo Mungu alitangaza, puisse s'accomplir. Ipate kufika. Oh, un mouvement qui va se provoquer pour que ce que Dieu avait annoncé sur ta vie puisse s'accomplir, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va créer une opportunité. Dieu va provoquer quelque chose. Écoute, Dieu peut toucher même le gouvernement pour promulguer une loi afin que ce que Dieu avait dit sur ta vie puisse s'accomplir. Parce que pour la naissance de Jésus, Dieu n'a pas touché n'importe qui. Il a touché le roi pour que Joseph vive la promesse de Dieu. Dieu donne un songe à un roi. Oh, écoutez, il y a un mouvement qui va se provoquer dans cette année qui arrive. Et ce mouvement va se provoquer pour que ce que Dieu avait annoncé sur ta vie puisse se réaliser. Et la quatrième chose, Dieu a parlé de la lignée. Mungu aliweza kusemezea tena juu ya uzazi. Là où il va sortir. Kule atatokea. Il a parlé aussi de sa mission universelle. Aliweza kusemezea kwa kazi yake ya ulimwengu. Il a annoncé qu'il était un sauveur divin. Alisema na kuya tu ula na okoa wa kimungu. Pourquoi, bien-aimé, la naissance de Jésus-Christ. Kuzaliwa kwa Yesu. N'est pas de n'importe quoi. Haiko tu kitu kyokyote. C'est quelque chose d'extraordinaire. Inakuwa tu ni kitu kya maana zaidi. Donne-moi quelques minutes pour qu'on puisse passer. Je suis court, mais je t'annonce des grandes choses. Nakuya mufupi lakini nakutangazia vitu. La première chose que je suis en train de parler. Kitu ya kwanza nasemeze. La naissance de Jésus. Kuzaliwa kwa Yesu. A été annoncé dès le commencement. Bali tangaza tangu mwanzo. Vous savez, quand Adam est tombé dans le péché, wakati Adam alianguka mzambi, Dieu est descendu dans le jardin. Mungu alishuka ndani ya shamba. Il a demandé à Adam où est-ce qu'il était. Akamuliza Adam alikuwa Adam wapi. Lui dit que je me suis caché quelque part. Adam anasema najificha fasi moja. Dieu lui dit, est-ce que as-tu mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mungu anamwambia unakula kuyo muchi ya kufahamu ya uzuri na ubaya. Il a dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Yeye akamwambia Mungu ni huyo mke ukanipatia. On pose la question à la femme. Wakampigia swali mwanamke. La femme aussi rejette des responsabilités sur le serpent. Huyo mwanamke anatupa madaraka yake patnyoka. Et quand la femme a rejeté les responsabilités sur le serpent, wakati mwanamke anatupa madaraka panyoka, annonce, Dieu donne une condamnation. Mungu analeta hukumu au serpent, kwa nyoka, tout en annonçant la naissance de quelqu'un. Dieu dit au serpent, tu vas ramper sur la terre. Tu vas manger la poussière. Mais la postérité de la femme écrasera ta tête. Là c'est Genèse 3 verset 15. Donc c'était le commencement que Dieu a annoncé la naissance de Jésus. Il va annoncer quelqu'un qui va naître d'une femme sans le concours d'un homme. C'est pourquoi on l'appelle la postérité de la femme. Parce que la femme n'a pas de postérité. Mais pourquoi on dit la postérité de la femme? Parce que chaque femme, pour mettre au monde, elle a besoin d'un homme. Mais il y a une femme exceptionnelle, tout en étant vierge, s'est retrouvée. Ça, c'est un mystère de Dieu. Jésus, c'est un saint. C'est une personne extraordinaire. Il est Dieu tout-puissant. Alléluia. Amina. Alléluia, Église. Amina. Il y a quelqu'un qui me comprend là-bas. Sa naissance a été annoncée. Esaïe 7:14, il annonce qu'une femme sera enceinte. Une vierge sera enceinte. Écoutez, celui que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Tu n'as pas fait un mauvais choix. Tu as fait un choix qui est noble. Parce que tous les gens ont leur Dieu. Tous les gens ont leur prophète. Mais leurs prophètes sont nés par le concours des hommes. Mais Jésus, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsque Marie a dit, comment sera, se fera-t-il? Je n'ai pas encore connu un homme. Je ne suis pas encore marié. L'ange Gabriel lui dira, ne t'en fais pas. Le Saint-Esprit te couvrira de sa puissance et tu seras enceinte. Donc cela veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui a pris Jésus pour le mettre dans le ventre de Marie. Il est la puissance de Dieu. Il est une naissance extraordinaire. Oh, tu es heureux, toi qui as cru en Jésus-Christ. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Tu peux être un fils d'une personne et l'autre aussi un fils d'une autre personne. L'autre est le fils d'un ancien ministre, mais ce ministre est déjà enterré. Mais toi, tu es un fils d'un ministre en fonction et vivant. Qui est fort. Et ils ont des prophètes qu'on a enterrés. Et ils ont des dieux qu'on a enterrés. Mais nous, notre Dieu, il est mort, il est né, il est mort, il est ressuscité, il est à côté de Dieu. Il parle pour nous. Cette naissance est extraordinaire. Alléluia, Église. Amina. Alléluia, Église. Amina. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous avons une grande bénédiction. Matthieu, chapitre 1, verset 22 à 23. La Bible dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte et l'enfant aura un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Tout ce qui signifie Dieu avec nous. Inasemezia Mungu pamoja nasi. Deuxième chose. Kitu ya pili. Il est né à Bethléem. Halizalika ku Bethléem. Pourquoi seulement Dieu l'amène? Pourquoi Dieu veut que Jésus puisse aller naître à Bethlehem. Kwa nini Mungu alitamani Yesu akazalikwe Bethlehem? Il devait être à Jérusalem. Alipasha kuzalikwa ku Yerusalemu. Il devait être à Nazareth. Alipasha kuzalikwa ku Nazareth. Mais Dieu veut qu'il soit né à Bethlehem. Mungu alitamani azalikwe ku Bethlehem. Selon Michée chapitre 5 verset 1er. Michée 5 verset 1er dit que toi Bethlehem, wewe Bethlehem, la moindre, la petite ville, inakuya tena jijini un kidogo, roi naîtra de toi. Ndani yako mtazalikwa. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Sikia mpendo katika Bwana. Bethlehem veut dire maison de pain. Bethlehem inasema nyumba ya mkate. Mais Jésus Christ, il est le pain qui vient du ciel. Yesu anakuwa ni mkate inatoka mbinguni. Il devait être à la boulangerie. Alipasha kuya kufazi ya kufanyia mkate. La boulangerie c'est Bethel. Fazi ya kufanyia mkate ni Bethlehem. Parce que Bethlehem c'est la maison du pain. Bethlehem inakuwa ni chumba lui ya mkate. En tant que pain, yeye kama mkate, devait naître. Ilibidi hazaliwe. Dans la boulangerie. Tani ya fazi ya kufanya qui est mkate. Bethlehem. Inakuwa ni Bethlehem. Et il est venu faire la remise et reprise. Alikuya kurudisha na kubeba. Avec le pain de ce monde. Pamoja na hiyo dunia ya ulimwengu. Parce que les gens de ce monde. Watu wa hiyo dunia. Nous avons mangé de pain. Tulikula mkate. Ce pain n'ont pas changé notre vie. Lakini hiyo mikate haikubadilisha maisha yetu. Ce pain n'ont pas arrêté la soif du péché. Mais il fallait qu'il y ait un autre pain. C'est pourquoi quand il est venu, il a dit, c'est lui qui ne mange pas ma chair. Donc il voulait parler qu'il était une nourriture. Il est le pain qui est venu du ciel. Deuxièmement, il est de la lignée d'Abraham. Parce que Dieu, quand il a appelé Abraham, il a dit à Abraham, toutes les nations seront bénis en toi. Itabarikiwa ndani yako. Quand Dieu donnait cette prophétie, wakati Mungu alileta hiyo matabiri, cette promesse, hiyo tena maahidi, c'était une promesse, ilikuwa tu ni ahidi, attachée à Jésus Christ, yenye kuambatanishwa kwa Yesu Kristo. Même Galate confirme la chose. Hata Galate anahakikisha hiyo mambo. Parce que quand Dieu a donné cette promesse, wakati Mungu alileta hiyo tena malako, c'est lorsqu'il a appelé Abraham. C'est ce qu'il a appelé Abraham. Il aliweza kuita Ibrahim. Dans Genèse chapitre 12 verset 3. Kumwanzo mstari wake wa 12 na mstari wa 3. Mais Galate chapitre 3 verset 6 nous dit quoi? Galate mstari wake wa 3 inatuambia nini? Galate 3 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nini Biblia inatuambia? Est-ce qu'on est ensemble? Tunakuya pamoja. Galate 3 verset 16, la Bible dit, Biblia inasema, or les promesses ont été faites à Abraham. Mahaidi iliweza kumpatia Ibrahim. Et sa postérité. Hata na uzao wake. Et il n'est pas dit. Haikusemezewa. Aux postérités. Kwa vizazi. Comme il s'agissait de plusieurs. Kama vile ilikuwa ni vizazi nyingi. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Inakuya tu ni vizazi kimoja. Et à ta postérité. Na kuzazi bwako. C'est-à-dire Christ. Ni kusema Kristo. Donc cela veut dire Nikusema, Jésus est de la postérité d'Abraham. Yesu anakuya tu ni mkizazi ya Ibrahim. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il est de la postérité d'Abraham. Anakuya tu ni mkizazi ya Ibrahim. Et quand vous regardez Abraham, ukitazame Ibrahim, c'est lui qui est monté à la montagne de Morija. Yeye halipanda kumulima ya Morija. Pour donner juu ya kuleta un sacrifice. Sadaka. Et ce sacrifice qu'il a donné, na yo sadaka alileta, c'est un bélier. Alléluia. Inakuya tu ni kondo dume. Parce qu'Isaac ne devait pas mourir. Isaka haikubidi afariki. Parce que si Isaac était mort, kama Isaka alifariki, il n'allait pas sauver l'humanité. Yeye asikupashe kuokoa ulimwengu. Il fallait que le bélier meure. Ilibidi huyu kondo dume afariki. Là, il annonçait la naissance de l'agneau. Wakati alianza kusemezea kwa kuzaliwa kwa kondo. C'est pourquoi quand vous regardez Jésus, kitazame Yesu. Et quand il montait sur la montagne de Morija, wakati alianza kupanda kumulima ya Morija, il y a une question d'Isaac. Inakuya haikukua tena mambo ya Isaac. Isaac a posé la question à son père. Isaac akamswali baba yake. Papa, le feu est là. Moto iko hapa baba. Le bois est là. Kuni iko hapa. Mais où est l'agneau? Lakini kondolo iko wapi? Abraham a dit l'Éternel pourvoira. Ibrahimu anasema Bwana atasaidia kwa yote. Alléluia. Amina. Maintenant, cette question d'Isaac Asa iyo tena swali ya Isaka, a été répondu par Jean-Baptiste. Yohana mbatizayo alileta jibu. Parce que Jean chapitre 1 verset 29, yake wa kwanza, quand Jésus allait à son baptême, wakati Yesu alianza kwenda kubatizo kwake, les autres voyaient une personne qui marchait. Wengine waliona mtu anatembea. Mais lui, quand il a vu Jésus, il a dit voici l'agneau. Yeye wakati alimwona Yesu anasema tazama kondoo. Qui ôte le péché du monde. Mwenye anatosha dhambi ya dunia. Donc la réponse Jibu. Donc ça veut dire la postérité d'Abraham avait une révélation et une connaissance de la naissance d'un agneau. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas la réponse. Réponse a été donnée par Jean-Baptiste. Jibu ni voici l'agneau de Dieu anasema, tazama qui ôte les péchés du monde. Donc Jésus n'était pas une personne. Yesu, il était un agneau. C'est pourquoi vous allez remarquer même le processus de sa vie. Hata ya maisha yake, le jour de sa naissance, siku ya kuzaliwa kwake, Jésus n'a pas été mis au monde Yesu, par une personne. Kwa, na mutu. Il a été mis au monde par une brebis. Kupitia kondolo. Parce que Jésus dit ceci, Yesu, anasema je suis venu pour les brebis de la maison d'Israël. Minakuya kwa sababu ya kondolo wa nyumba ya Israel. Donc la brebis de la maison d'Israël, uyu tena kondolo wa nyumba ya Israel, c'est sa même Marie. Inakuwa ni Maria. C'est pourquoi quand ils sont allés pour le recensement, hata wakati walianza kuenda kuchandikisi, il n'y avait pas de place à l'hôtel. Akukukuye fazi kule kwa hotel. Parce qu'à l'hôtel, kule kufasi ya kupumzika, les bêtes ne peuvent pas y entrer. Wanyama makuweza kuingia. C'est pourquoi ils devaient aller. Chokomana balipasha kuenda. Dans les tables à bœuf. Balipasha kuenda pa mafasi pour ya wakondolo. Donner naissance juu ya kuzala à un agneau. Uyu tena kondolo. Oh, je t'amène très loin. Quand l'agneau était né, wakati kondolo alizaliko, la nouvelle, inakuwa abari, la première catégorie de personnes awa watu wa kwanza, à être informés wenye walichulishwa, de la naissance de Jésus, ya kuzalikwa kwa Yesu. Ce ne sont pas les rois, haiko wafalme, ce ne sont pas les gouverneurs. Aina ata wa la gouverneur. Bible dit qu'il y avait des bergers. Kulikuya tena awa wa dans la vallée dani tena ya qui est en train de paître leur troupeau, ils chakula. Étaient le premier balikuya wa kwanza à être informé balichulishwa que kwa iyo. Un autre animal est né ici. Kusema kondolo mwingine anazalikwa. Et cet animal qui vient de naître na uyu kondolo anazalikwa vient faire la remise et reprise. Anakuya kurudisha na kubeba vos bêtes qui souffraient pour couvrir les péchés des hommes. Ils vont maintenant se reposer parce qu'il y a un animal qui est né aujourd'hui. C'est un animal qui ne couvre pas, mais lui efface les péchés. Parce que ce qui est couvert peut être découvert, mais ce qui est effacé, ça disparaît pour l'homme. Ça disparaît pour l'homme. Pour l'éternité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le berceau de Jésus, c'était le mangeoire. Un lieu où on mange. Parce que dans les tables à bœuf, il y a un endroit où on met la nourriture. Et c'est là que les bêtes vont manger. C'est ce qui était le berceau de Jésus-Christ pour montrer à l'humanité que celui qui vient de naître, c'est une nourriture. C'est pourquoi lui-même a dit, c'est lui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair, il n'est pas en communion avec moi. Oh, j'arrive à comprendre cette nourriture. C'est une nourriture qui change de position. Oh, écoutez, la Bible dit ceci. Dieu dit à Israël, tout animal déchiré dans les champs, il ne sera pas votre nourriture. Il sera la nourriture des chiens. Or les chiens sont en dehors de la ville. Les chiens, la Bible dit ceci, en dehors, c'est les chiens. Jésus parle à la femme syrophoïnique. Je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Or les chiens est à l'extérieur. La nourriture déchirée n'est pas destinée à Israël, mais destinée aux chiens. Et quand je vois les chiens, je vois les nations. Quand ils ont mangé cette nourriture, ils ont quitté de l'extérieur vers l'intérieur. Nous étions étrangers. aux promesses de Dieu. Et la Bible déclare, on n'avait pas le droit de citer, mais c'est la mort de Jésus-Christ qui nous a ramenés dans la ville. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ta position a changé par la naissance de Jésus. Il a prédit que je suis une nourriture. Et cette nourriture te fait sortir de l'Égypte vers ton Cana. Il fallait manger la nuit. Il est béni qu'on a connu pour sortir de l'Égypte vers Cana. Or l'Égypte c'est le monde. Il y a une nourriture qui nous a fait sortir du monde pour nous amener à notre Cana. Et nous sommes en marche vers notre Cana. Cana a deux positions. Première position, c'est la bénédiction de Dieu ici sur la terre. La destinée, ta destinée à toi, c'est ton Cana. Et tu vas vivre la destinée de Dieu par la nourriture qui est la personne de Jésus. Et cette nourriture va t'amener au ciel pour que Israël quitte de l'esclavage. Il fallait la mort de l'agneau. Tu n'es plus esclave. Même si tu as été lié, il y a une nourriture qui va te rendre libre. Il a payé le rançon. Il a payé par son sang. Il a payé par sa mort. Il n'y a personne qui a le droit de te réclamer encore. Rappelle-lui le sang de Jésus. Dites-lui, le sang de Jésus a payé. Même si ton père a laissé des dettes spirituelles, il y a une nourriture que tu as mangée qui est la personne de Jésus. Alléluia. Il est de la postérité d'Abraham. Parce que nous voyons sa descendance. Il est né dans la tribu de Juda. Juda, c'est le fils de Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Et Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et quand Jacob voulait mourir, il a dit quoi? Il a dit, toi, Juda, le sceptre royal ne quittera pas dans ta tribu jusqu'à ce que Shiloh vienne. Il parle aussi de la naissance de Jésus. Shiloh c'est Jésus. C'est lui le roi des rois. Il est né de cette lignée royale. Il est le fils de David. Parce que Jésus est fils de David. Il est fils de l'homme. Et il est fils de Dieu. Fils de David. Ça parle de la royauté, de la descendance d'Abraham. Pour conclure notre message de ce matin, nous allons regarder ce que les mages ont donné comme offrande le jour de sa naissance. C'est là que notre message va s'arrêter. Parce que quand même, tu as quand même une notion sur la naissance de Jésus. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 2. On commence à lire au deuxième verset. Matthieu. Et on va faire une lecture kangourou, on va sauter un peu. Tout à Luca Kidoko. Matthieu chapitre 2. Matthieu sur la pili. Et le roi Hérode ayant appris cela. Na uyu mufalme Hérode akajulishwa kwa hiyo. Commençons au premier verset. Jésus est né à Bethléem. Yesu alipo kuzalikwa katika Bethléem. En Judée. Yudea, au temps du roi Hérode, voici les mages tazama ama machusi, de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Wa mashariki walipofika Yerusalem. Alléluia. Amina. On va sauter. Ici, tuta on parle Luka, quand les mages ont vu l'étoile. Wakati awa wa machusi waliweza kuona nyota. Parce qu'avant que Jésus vienne au monde, Balaam a vu un astre. Aliweza kuona hata. Le prophète Balaam a vu un astre. Aliweza kuona nyota. Il a vu aussi la naissance de Jésus-Christ. Aliona na kuzaliwa kwa Yesu. Maintenant, les fils de l'Orient Awa watoto wa mashariki, ce sont les astrologues. Inakuwa tu ni watu ils ont la connaissance des astres. Wanajua tena hiyo vitu. En voyant cette étoile, jua na mwezi. Kuona tena hiyo tena ils ont mwezi. Quitté. Wao walitoka. Dans leur ville. Walitoka mumuchi yao. Suivant cette étoile. Walianza kufata hiyo nyota. Pour aller adorer. Juu ya kwenda kuabudu. Verset 10. Na mstari wa 10. Quand ils aperçurent l'étoile. Nao walipokuona nyota, ils furent saisis d'une très grande joie. Waliweza kufurahikiwa. Ils entrèrent dans la maison. Wakaingia nyumbani. Virent le petit enfant avec Marie. Wakamwona mtoto pamoja na Mariamu. Sa mère. Mama yake. Se prosternèrent. Wakainama. Et l'adorèrent. Na kumwabudu. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Nao walipo tena kufungula hazina yao. Et ils lui offrirent en présent wakamtolea de l'or, zabu, de l'encens, bali mtoea tena, et de myrrhe. Alléluia. Amen. Myrrhe en soli, c'est quoi? Manemane. Alléluia. Zahabu uvumba na manemane. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, il faut avoir des aides-mémoires. Hein? Une petite Bible en soi, il est à côté là. Parce que ça, c'est quelque chose que le monde entier suit. Alléluia. Même mon église en Tanzanie sont en train de suivre. Tanzania wanaifata. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ils ont donné trois choses. Waliweza kutoa vitu tatu. La Bible dit, c'est l'étoile qui les a conduits. Ni nyota iliweza kuwaongoza. Dans la maison d'adoration. Munyumba ya maabudu. Et si la Bible dit, quand ils ont vu l'étoile. Wakati waliona nyota. Ils ont commencé à suivre cette étoile. Wakaza kufata hiyo nyota. Là, je touche un peu quelque chose qui peut aussi aider ta vie. Tagusa kitu inaweza saidia maisha yako. Quand l'étoile a touché la zone d'Hérode. Wakati nyota ili gusa pazi palikuwa Herode. L'étoile avait disparu. Nyota iliweza kupotea. Écoutez, nous tous. Sisi wote. Nous sommes des étoiles. Tunakuya ni manyota. Qui ont des étoiles. Inakuwa na manyota ingine. Parce que Jésus est l'étoile brillante du matin. Yesu anakuya tu ni nyota inangaza asubuhi. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Nao awa wachawi alisema tuliona nyota yake. L'étoile. Yeye ni nyota. Qui a une étoile. Inakuwa tena na nyota ingine. Et nous aussi nous sommes des étoiles. Nasi pia tunakuwa manyota. Mais tout en étant étoile, na hivi tumekuwa manyota. Nous avons aussi nos étoiles. Tunakuwa na manyota ingine yetu. Mais la plupart des étoiles s'éteint. Asa manyota ningi nazimika. Quand vous entrez dans la zone d'Hérode. Ni wakati unaingia pa fazi ya Hérode. Je voudrais te dire une chose. Napenda kuambia kitu moja. Tu ne peux pas vivre n'importe où. Hawezi kuishi fasi yoyote. Tu ne peux pas être dans la... Vous savez, il y a des enfants qui ont perdu les étoiles. Kuko watoto walipoteza manyota. Lorsqu'ils sont allés vivre chez un cousin. Wakati walienda kuishi kwa ndugu yao fulani. Ils sont allés vivre chez quelqu'un. Walienda kuishi kwa mtu fulani. C'est là qu'ils ont perdu l'étoile. Na ni pale walipoteza manyota. Il y a des écoles qui avalent les étoiles. Kuna kuya mili ingine na mesa manyota. Les enfants doivent toujours recevoir la prière. Jo kwa mana bidi kumpokea paka Gabriel. Il y a des écoles quand tu entres. Kuna kwa mafazi kama unaingia. Tu perds ton étoile. Unapoteza nyota yako. Et surtout chez nous en Tanzanie là-bas. Hata kwetu ku Tanzania. Beaucoup des écoles ont des choses maléfiques. Mashule ningi inakuwa na vitu vipaya. Des enfants tombent sous l'impulsion des démons. Watu wanaanguka tena chini ya mfumo ya mademoni. Des enfants ont des problèmes très sérieux. Watoto wanakuwa na mambo ya nguvu. L'année prochaine ma fille a connu des combats terribles à l'école. Mwaka iliyopita mtoto yangu alikuwa na ukovu nguvu kwa masomo. Elle voyait une personne, elle était à l'internat. Elle voyait une personne couverte par un manteau noir. Aliona mtu anesha kuvala kochi mweusi. Qui entrait dans leur dortoir. Alianza kuingia pa fazi yabo ya kulala. Et qui se mettait toujours sur les bagages de tout ce qui était dans les dortoirs. Alianza kuikala pa masakoshi ilikuwa pale. Alikuwa na bukovu alishambuliwa. Il y a des enfants qui commençaient qui avaient des démons. Kuna kwa watoto walikuwa na mademoni. Et les démons disaient toujours. Mademoni alikaanza kusema. Cette fille est en train de nous brûler. Huyu tu mwanamke anayekuwa anatuchoma na tulunguza. Cette fille est en train de nous brûler. Yeye anakoneko na tuchoma. Il y a des étoiles qui se sont éteintes seulement parce que tu es entré dans la zone d'Hérode. Kuko manyota inajimika sababu uliingia mufazi ya Hérode. Les gens qui reçoivent les diplômes. But ils ont laissé les étoiles lakini baliacha manyota dans ces écoles-là. Mouille, masomo, c'est pourquoi il a un bon français. Anasema tu français mzuri. Il a des capacités. Anakuya tu na mawezaji. Mais il ne trouve pas du travail. Lakini yeye asipate kazi. Il y a des étoiles qui ont été avalées à la naissance dans des hôpitaux. Kuko manyota ingine bali meza tangu kuzalikwa. Il y a des étoiles qui ont été volées par les sorciers. Manyota ingine ni warozi wa iliba. C'est parce que ce sont des zones d'Hérode. Sababu inakuwa ni mafazi ya Hérode. Ma prière ce matin, wa subuhi, que le Dieu de Papa Désiré, Mungu wa Papa Désiré, te fasse sortir dans la zone d'Hérode. Akutoshe mwiyo fazi ya provoque un mouvement. Écoutez, que Dieu provoque un mouvement où on va te chasser même parce que tu seras insupportable. Et là, quand ils sont sortis chez Hérode, ils ont vu l'étoile. Il y a quelqu'un qui m'écoute bien ici. Ils ont vu l'étoile. Wakaona nyota. Et l'étoile les a conduits vers la maison d'adoration. Na nyota iliweza kuwapeleka mpaka fazi ya mabudu. Toi, tu es une étoile. Wewe ni nyota. Qui doit conduire les gens en ce lieu ici. Inabidi uongoze watu pana fazi hapa. Écoute, amène les gens en ce lieu. Leta bantu pana fazi hapa. La lumière de l'étoile. Inakuwa, qui peut attirer les gens dans la maison d'adoration. Nuru ya nyota inaweza kokota batu pa fazi ya mabudu. C'est ton comportement. Inakuya tu ni enendo yako. Le comportement de quelqu'un. Inakuwa mwenendo wa nia ya mutu. C'est l'évangélisation. Inakuwa tu ni kupasha injili. Alléluia. Amina. Le christianisme. Au Christ. Ce n'est pas le parler en langue. Haiko kusema kwa lugha. C'est un comportement. Inakuwa tu ni matabia. Parce que la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens. Walita wafasi wa Kristo. C'est Antioche. Inakuwa ni kutioche. Ils ont vu Jésus en eux. Waliona Yesu ndani yao. Ils ont vu le comportement de Jésus. Waliona mifano au matabia yao ya Yesu ndani yao. Et maintenant, quand ils sont entrés. Wakati wakaingia. Ils ont adoré. Wakaabudu. Prophétiquement parlant. Mu kutabiri tu. Marie. Maria et Jésus et Marie et Joseph. Maria na Yusufu. Ils avaient l'enfant. Walikuwa na mtoto. Mais ils n'ont pas adoré cet enfant. Lakini hawakuabudu huyo mtoto. Vous comprenez la chose ici? Munaelewa hiyo? C'est eux qui ont mis cet enfant au monde. Ni wao waliweza kuzala huyo mtoto. Mais ils n'ont pas adoré cet enfant. Lakini hawakumuabudu huyo mtoto. Mais ceux qui ont été les premiers à adorer cet enfant. Wa kwanza kuabudu huyo mtoto. Ce sont les nations. Inakuwa ni mataifa. Un peuple qui vient de loin. Mataifa inatokea mbali. Un peuple que Dieu ne connaissait pas. Yenye Mungu asikujui. Un peuple qui n'était pas dans la promesse de Dieu. Taifa yenye haikukua malako ya Mungu. Ce peuple qui adore maintenant le Seigneur. Hii ilikuwa kuabudu. Les mages nous représentent, nous les nations. Majusi, les mages nous représentent, nous les Congolais. Wa natuonesha ni sisi. C'est pourquoi nous sommes en train d'adorer. Mais Marie et Joseph, lakini Maria na Yusuf, jusqu'aujourd'hui, ils regardent. Paka leo wanatazama tu. Ah, c'est prophétique. Inakuwa tu ni Marie et Joseph, c'est Israël. Jusqu'aujourd'hui, Israël n'accepte pas Jésus. Paka leo Israël ya mais c'est nous Yesu. Les nations. Lakini sisi nous sommes mataifu. En train d'adorer le Seigneur. Tuko na abudu Bwana. Et cela ne suffit pas. Ile. C'est les nations qui ont donné trois choses. Hayene, ni mataifa ileta vitu tatu. Dieu donne la connaissance. Mungu analeta ufahamu. À un peuple qui n'avait pas la connaissance. Kwa taifa yenye alikukuye na ufahamu. Les trois choses qu'ils ont donné. Vitu vitatu walileta. Ce sont des choses qui ont annoncé de grandes choses. Ni vitu vilitangaza vitu kubwa. Ils ont donné de l'or. Balileta zaabu. Dans la Bible. Mu Biblia. L'or représente des choses. Zaabu inasema vitu. Premièrement. L'or, c'est la divinité. Zahabu ni ki ali ya kimungu. Les mages ont vu la divinité de Jésus-Christ. Majusi iliweza kuona les mages ont compris Esaïe 9, verset 6. Baliweza kuelewa Isaïe 9, verset 6. Ils ont compris que c'est lui qui est né. Bakaelewa kusema huyo anazaliwa. C'est un Dieu tout-puissant. Yeye ni Mungu wa uwezo. C'est le Père éternel. Inakuwa ni Baba wa milele. Ils ont donné ce l'or. Cho kwa maana balipeleka zahabu. Offrande symbolique. Pour montrer que cet homme, sadaka njoo ya kuonesha huyu mtu, c'est un Dieu puissant. Anakuwa ni Mungu wa uwezo. Deuxièmement, ya pili, l'or ça représente la royauté. Zahabu inaonesha hali ya ufalme. Parce que dans le royaume des métaux, inakuwa mu hali ya les métaux qui est roi, c'est l'or. Amen, amen. Amina. Ils ont compris que celui-ci, bakaelewa kusema il huyu, est le roi des rois. Yeye ni mfalme wa wafalme. Et là, ils étaient en train de voir le millénium. Balianza kuona tena kwa miaka là où Jésus va régner sur toute la terre. Yesu atatawala pa dunia. Deuxièmement, c'est l'encens. Na kitu ya pili inakuwa ni uvumba. L'encens, c'est l'adoration. Vumbe inakuya tu ni maabudu. Là, ils ont compris que nous devons adorer cet homme. Pale bakaelewa inabidi tuabudu huyu mtu. Deuxièmement, l'encens, c'est le sacerdoce. Uvumba inaku Ils ont compris que cet homme ici, c'est lui le souverain sacrificateur. Oh, écoutez, écoutez. Il y a le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il y a Aaron et Jésus. Maintenant, vous allez remarquer, Aaron et Jésus avaient deux mouvements différents. Pour que Aaron entre dans le tabernacle, lui commençait dans le parvis. Pourquoi il commençait dans le parvis? Il devait d'abord se sanctifier de ce péché pour entrer dans le lieu saint. Parce que s'il ne se sanctifie pas, il va aller mourir dans le lieu saint. Très saint. Mais Jésus-Christ, lui a commencé dans le lieu très saint vers le parvis. Donc il est sorti de la sainteté vers l'impureté pour sanctifier ce qui était impur. Écoutez, il était sacrificateur. Il n'est pas entré dans, avec le sang de bête. Il est entré avec son propre sang pour nous connecter au trône de Dieu. Oh, que Dieu te sanctifie. Que Dieu t'amène à la grandeur. Et pour terminer, la mire parlait de la mort de Jésus-Christ. Ça parlait de la douleur. Parce que pour embaumer Jésus-Christ, ils avaient besoin de la mire. Parce que c'est un parfum qu'on utilisait pour les morts. Parce que ça avait le goût amer. Ça parlait de la douleur, de la souffrance et de la mort de Jésus-Christ. La naissance elle-même ne suffisait pas. Parce que sans la mort de Jésus-Christ, on n'allait pas être sauvé. C'est pourquoi ces trois offrandes ont révélé de grandes choses. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ça c'est la naissance de Jésus. Que Jésus naisse dans ta vie ce matin. Renouvelle ta confiance en Jésus. Arrange ta vie avec Jésus. Marche avec lui dans la gloire. Que le Tout-Puissant te bénisse. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut s'élever? On chante seulement un cantique pour 3 minutes. Nous sommes déjà à 11h10, c'est pas mal. On va chanter. Lèvons-nous tous. Quand tu vas commencer, tu fermes tes yeux. Tu vas mettre ta main sur ta poitrine. Et s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il peut s'approcher ici devant. Nous allons l'aider. On va chanter Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère. Nous nous mettons debout. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. Oh! toi ce matin. Je renouvelle mon appel avec toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je me souviens de ta naissance qui est le début de mon salut. Si toi tu n'étais pas né, il n'y a personne qui allait mourir sur la croix pour moi. C'est ta naissance qui a été le début de mon salut. Père, pardonne-moi. Né de nouveau dans mon cœur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Et la chorale continue avec la chanson. Commence à prier. Bien-aimé, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Il y a un ange qui est en ces lieux. Lève tes deux mains, je sens cette présence. Il y a un ange qui est en ces lieux. Qui veut changer de vie. Qui veut guérir les gens. Qui veut réellement te montrer aujourd'hui que Jésus-Christ est Seigneur. Lève tes deux mains, sois concentré. Oui, il est là. Le Seigneur veut toucher quelqu'un ce matin. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour des guérisons. Merci pour Jésus. Oui, Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. On t'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, il commence à monter. Il est présent. Il est présent. Il veut toucher quelqu'un ce matin. Il veut toucher quelqu'un. Oui, il veut toucher quelqu'un. Jésus est vrai. Jésus est vrai. Ce n'est pas une histoire. Il est né. On l'a vu. Il a mangé. Il est vrai. Il est descendu sur la terre pour toi et pour moi. Il a fait que Mungu Babaya. splendeur de Dieu. Tout ce que tu vois, ça montre la grandeur de Dieu. Il crée à la bosse. Il crée à la bosse. Naissance de Jésus-Christ. C'est le jour où il y a une étoile différente de toutes les étoiles qui pouvait faire un chemin dans le ciel. Je vais prier ce matin. Je voudrais que tu pries avec moi. Que ce jour nous disons la naissance de Jésus. Que ton étoile fasse le chemin là où les hommes ne peuvent l'arrêter. Il y a une étoile. Tu as une étoile. Tu as promis. Depuis Balaam, il a vu, j'ai vu un astre qui s'est levé quand on voulait maudire Israël. Frères et sœurs, quand les hommes veulent te maudire, aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, que ton étoile s'élève malgré la malédiction des hommes. Cette malédiction ne peut pas bloquer ton étoile. Oh, j'aimerais que tu pries. Tu dis à partir d'aujourd'hui que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Que mon étoile m'amène à Bethléem. Que mon étoile m'amène à Bethléem. Au lieu de sa destinée, la destinée de l'étoile, c'était Bethléem. La destinée de l'étoile, c'était Jésus. Que ton étoile brille jusque dans ta destinée. Je prie ce matin au nom de Jésus que ton étoile brille jusque dans sa destinée. Oh merci Jésus. Et là on va voir. Que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Rien ne peut arrêter mon étoile. Rien ne va arrêter mon étoile. Jusque dans ma destinée. Jusque dans ma destinée. Avec Jésus. Avec Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, il est merveilleux. Oui, ma camisa. Tu vas prier encore. Que ton étoile qui a été effacée ou quitte la zone d'Hérode. Dans la zone d'Hérode, l'étoile n'a plus brillé. Mais quand ils ont quitté la zone d'Hérode, l'étoile a commencé à briller. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu pries le Seigneur. Seigneur, que mon étoile quitte la zone qui la bloque. qu'il y ait un mouvement ce matin qui va amener ton étoile à quitter la zone de blocage pour prendre le chemin de la destinée. Oui, élève ta voix. Commence à prier le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Que mon étoile quitte la zone qui la bloque. Si ce sont des hommes, tu vas les éloigner. Si c'est des circonstances, tu vas m'en sortir. Parce que ces choses-là bloquent. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Père, merci. Seigneur, je te dis merci ce matin pour toutes tes grâces et tes faveurs. Merci pour ces grandes révélations. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh, que Dieu soit béni. Amen. Il y a des choses qu'il faut connaître. Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Samuel et pour toutes ses révélations. Il y a un prophète qui m'a appelé, qui m'a dit: pasteur, je suis l'apôtre. Il vient d'où? Je dis: il vient de Tanzanie. Il me dit: pasteur, il est très fort. Il donne des révélations extraordinaires. En tout cas, il m'a dit ça. Il dit: pasteur, il est très, très fort. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer, célébrer le Seigneur? Je vois aussi le pasteur Olivier Mandek. Bonjour, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les saluer aussi pendant qu'il est là? Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous allons passer aux offrandes. Donne ton offrande avec joie. L'offrande est une adoration. Abraham l'a fait et les mages ont fait. Ils adorèrent le Seigneur en offrant de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'offrande reste toujours une adoration. Tu adores le Seigneur avec des chansons. Tu adores le Seigneur en parlant. Mais tu l'adores aussi avec ton offrande. La chorale nous accompagne pendant que nous adorons le Seigneur. Anaweza, Jehovah. Anaweza, Anaweza, Anaweza, Jehovah. Baba, Anaweza, Anaweza, Anaweza, Anaweza, Jehovah. Baba, Anaweza. Your son. peut louer le Seigneur, on peut s'élever. Je sais si je suis au sang pour commenter. On y manque au bouffé la maille. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je crois que c'est la seule église où je ne vois pas les Michakachak. Ici, les Cassini n'en a pas vraiment. Ah, j'espère que le dimanche, le premier, nous aurons tous des. Où est-ce qu'on vend ça, Naomi? En ville. Tu viens me voir, j'en trouve autre. il faut qu'on en puisse en avoir. Comment on est dans une église qui n'a pas de kachak? Bon, j'espère que le dimanche, nous les mamans, nous aurons vraiment les michakachaka, nous tous. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons notre programme de Moulima demain vendredi. C'est vraiment un jour de prière demain. Soyons là à partir de 16h30. Mais je voulais que à 12h30, juste le comité des mamans et de l'église et des districts, je voulais parler avec eux avec le, pendant 30 minutes de 12h30 à 13h, qu'on respecte le temps pour me permettre aussi de m'aligner par rapport aux autres programmes. Donc demain de 12h30 à 13h, je voulais parler avec le comité des mamans de l'église et le comité des mamans des districts pour préparer 2026. C'est important. Faites-vous violence. Si vous arrivez à 12h25, c'est bon. À 30, on commence. À 13h juste, on se libère. Et juste 30 minutes, nous préparons le programme de 2026. Et nous allons nous arranger pour que vous puissiez rentrer rapidement là où vous serez pour revenir. Les hommes adultes, je vais donner le programme après que j'ai terminé avec les mamans. Samedi à 9h, nous avons Masterclass, notre école des ouvriers, de 9h à 11h. Et dimanche, nous avons la clôture de Moulima 30. L'après-midi à 15h. Donc là, c'est avec toutes les églises sous féconde. Nous clôturons le dimanche notre programme de Moulima avec l'apôtre Samuel. Je bénis vraiment le Seigneur qui a fait le casting lui-même. Qui a fait le casting, qui a fait le casting lui-même. Et je pense vraiment ça, ça vient de Dieu. Mais le matin, nous aurons notre Sainte Cène à 8h30. Et le représentant Lévi va prêcher juste à la Sainte Cène de 8h30 à 10h. 1h30. Rien que la Sainte Cène, donc vous préparez le culte de Sainte Cène. Les cantiques de Sainte Cène, nous terminons, nous prions et nous nous séparons. Moi je vais rester avec lui et les autres se donnent pour une petite réunion. Et à 11h, il pourra rentrer sur Lubumbashi. Voilà le programme. Les autres programmes de la semaine prochaine, je vous donne ça dimanche. Je vous ai annoncé hier qu'il n'y aura pas culte la semaine prochaine. Lundi 29, mardi 30, le 31. L'église sera ouverte. S'il vous plaît, prends un bic, un papier. C'est un temps de méditation. Nous avons prié toute l'année pendant Moulima, pendant la croisade, pendant la Pâque. Prends un bic et un papier, assieds-toi dans un coin, tu tires la chaise dans un coin, tu pries le Seigneur. On nous a parlé de Gédéon. Comment Dieu te voit? Comment tu te vois en 2026? Toi-même, ta vie, tes affaires, ta famille, ton ministère. Et là, si tu as besoin d'un prière et d'un programme ou d'une prière spéciale, tu peux nous prendre rendez-vous avec moi. Je pense que le 31, je serai dispo toute la journée et nous puissions prier chacun, méditer la parole de Dieu. Le 31, j'aurai juste une prière à minuit ici dans l'église et vous resterez chez vous à la maison pour suivre ça en ligne et de façon que nous puissions traverser 2025. Ceux qui peuvent être là avec moi, l'équipe, nous avons toujours une équipe qui sera avec moi. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour 2025. Nous allons consacrer 2026, nous allons recommander 2026, nos vies, nos maisons, Gédéon a bien parlé de la famille, de la tribu, de lui-même, de son père. Donc ça sera ça le schéma de la prière de minuit. Le 31, ce sera juste une heure de prière. Et puis nous rentrons. Ça, c'est moi. Et nous nous retrouvons jeudi à 8h30 pour notre culte Accent Tibouana. Et donner le thème de l'année 2026. Tout ce que Dieu est en train de faire, il confirme vraiment le thème de 2026. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et vous le verrez, c'est vraiment dans la continuité de ce que Dieu est en train de faire et de tout ce que Dieu nous a dit. Donc on aura juste culte le jeudi. Et puis dimanche. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est une semaine de méditation. Sans oublier les orphelins, le 30. Nous déposons nos dons à l'église. Si vous pouvez amener ça dimanche matin, ça serait une bonne chose. Et les anciens vont garder ça. Et les anciens et l'équipe du social mardi vont aller dans les orphelinats pour déposer au nom de l'église. Et les évangélistes, s'ils peuvent les accompagner, il n'y a pas de problème. Mais nous nous restons dans notre méditation. Dimanche 4 après-midi, nous aurons une rencontre avec les jeunes sœurs, les filles, à la Perle. À la salle, la Perle. Nous voulons que toutes les jeunes sœurs de toutes nos églises invitent d'autres jeunes sœurs. Nous allons parler sur l'entrepreneuriat. Il y aura 3 oratrices plus moi. Ça fera 4 orateurs. Nous allons parler de l'entrepreneuriat. En fait, la clé du succès dans la vie. Ça se trouve dans Josué chapitre 1, verset 8. La méditation, que ce livre de la loi ne sonne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. L'entrepreneuriat. Donc il y a la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, il y a l'entrepreneuriat. Ce sont les clés du succès. Si tu ne fais pas l'un ou l'autre, tu vas bloquer l'engrenage. Alors, nous allons en parler avec les jeunes sœurs. J'ai mis ça à l'extérieur pour que ça soit pour tout le monde. Il y a moi, il y a Maman Sylvie de Moutoumpe, il y a Maman Gloria de l'église, il y a Maman Lisette, hein? J'espère que c'est ça le nom. Lisette. Hein? Lisette, la femme du pasteur Aaron. Lisa. Lisa. Ok. Donc voilà, les 4 orateurs. Et nous allons travailler sur ça. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous nous tenons debout. Nous allons remercier le Seigneur. Les enfants sont de l'autre côté, ils partagent leur... C'est ça, David, sont de l'autre côté, ils partagent leur cocktail. Ok. Et remercions le Seigneur, après nous allons récupérer nos enfants. Pour ceux qui sont venus en retard, j'ai dit ceci. Le premier, ça sera un culte spécial. Il y aura des chants spéciaux. Et que prépare même un cadeau pour une, deux personnes, trois, quatre. Regarde la personne à qui tu vas donner le cadeau. C'est qu'elle aime. Tu peux me lui demander ce que tu aimes. Venez aussi me demander ce que j'aime. Alléluia. Amen. À ce moment, nous pouvons faire du bien aux uns, aux autres. C'est très important dans la maison. Et nous allons passer de bons moments le premier. J'ai besoin, disons, demain on va en parler avec le comité de maman. J'aurai besoin aussi de certains détails qui vont m'aider aussi. Remercions le Seigneur. Dis merci à Dieu pour la naissance de Jésus-Christ, pour son amour. Parce que désormais ton étoile ne sera plus bloquée. Ton étoile va marcher, va partout, ça va passer partout. Ça va traverser même le palais d'Hérode. Ça va t'amener jusque dans la destinée. Oh, Dieu a dit à Abraham, tes enfants sont des stars, sont des étoiles. Bien-aimés, nous sommes des étoiles. Nous devons vivre comme des étoiles. Nous devons briller comme des étoiles. Et je prie le Seigneur aujourd'hui parce que nous commémorons la nativité de Jésus qui est l'étoile brillante du matin. La Bible dit, tel il était, tel nous sommes dans ce monde, que nous sommes aussi des étoiles dans ce monde pour briller. Pendant ce temps, j'invite le pasteur Olivier Mandako et Mandek. Il va nous bénir. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Que ta grâce soit sur nous. Sois béni, sois glorifié. Merci pour ce moment merveilleux. Bénis ton peuple, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné d'écouter des révélations, mais de marcher d'une nouvelle façon, Seigneur, dans notre vie. Sois béni, sois glorifié. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit demeurent avec un chacun d'entre nous. Que d'ici la fin de cette année, que le sang de Jésus te couvre, toi et toute ta maison. Si le sang des animaux avait couvert la vie des gens et avait empêché à l'ange de la mort de puiser dedans, que le sang de Jésus qui est plus grand que les sangs des animaux te garde en cette fin d'année. Alléluia. Que le Seigneur t'introduise dans cette année nouvelle 2026. Que sa faveur repose sur toi. Alléluia. Que la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, soit ton partage. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur, demeure dans ton foyer, dans ta maison. Que tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends réussisse. Que tout ce que tu as espéré recevoir de Dieu en cette année, avant le 31 décembre, que le Seigneur te le donne. Lui qui n'a la dette de personne, que toutes ces bonnes paroles prononcées sur ta vie, prononcées sur ta maison et prononcées sur ta famille pour cette année 2026, qu'elles ne restent pas inachevées, qu'elles s'accomplissent toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui t'en veulent, ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à tes affaires, ceux qui en veulent à ta paix, à ta joie, que tout ce monde-là tombe sous ton pouvoir. Amen. Que leurs actions, leurs activités, leurs paroles soient réduites à néant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'au-delà de tout, la paix de Dieu, sa joie, soit ton partage en cette fin d'année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Joyeux Noël, meilleurs vœux. Tu souhaites à quelques personnes avant de partir la chorale? Aïe!